Bonjour à toutes et à tous. Donc on est à Debout Éducation Populaire, on a fait un atelier peinture. S'il y en a qui veulent encore peindre, il reste de la peinture disponible, des pinceaux et on peut mettre une autre feuille par terre. Donc n'hésitez à venir nous voir si vous voulez faire de la peinture, ça nous permet d'avoir un stand un peu plus joli, décoré avec ce que vous voulez mettre dedans. Là on va passer aux interventions, on a deux interventions à venir. Une à 16h, c'est Martin qui va venir proposer de 2017 à 2022. Donc Martin, oui, Martin est là. Donc du coup, je vais te passer la parole. Antoine, est-ce que tu... Antoine, t'as mis la clé ou pas ? T'as mis la clé ou pas ? Oui. Ok. Donc dès que Martin est prêt, on va le laisser faire son intervention. Donc pour vous rappeler un petit peu le principe, il y a entre 20 et 30 minutes d'intervention, puis après il y a un débat. Donc n'hésitez pas à venir écouter et ensuite participer. L'idée est justement de pouvoir critiquer ce qui est dit, de poser des questions, de s'interroger avec notre intervenant. Et puis, si vous souhaitez intervention, on ne refuse aucune intervention. Donc, venez nous proposer un thème. On vous donnera les créneaux qu'on a disponibles. Et comme ça, vous pourrez prendre la parole à votre tour. Donc, Martin, c'est à toi. Ok, merci Adèle. Donc, en fait, on peut commencer en fait en analysant le fait. Enfin, si on prend un peu une analyse historique, c'est que en fait, on a eu affaire en fait à trois phénomènes idéologiques monstrueux durant le XXe siècle dans notre. Donc, on a eu d'abord en fait donc le colonialisme, l'idée que l'autre, parce qu'il venait d'une autre ethnie en fait, pouvait être soumis à nos désirs. Ensuite, on a eu le nazisme, l'idée que l'autre, parce qu'en fait, il était d'une soi-disant autre race, on pouvait le détruire. Et ensuite, on a eu le totalitarisme communiste, parce que l'autre, en fait, était, parce que nous, on était dirigeants et que l'autre, en fait, venait d'un peuple qu'on voulait asservir à nos désirs aussi, on pouvait le réduire à l'esclavage et à la famine. Et donc, du coup, en fait, on a eu ces trois phénomènes-là, et chacun, en fait, a été détruit. Et donc, ensuite, il y a un quatrième phénomène historique qui arrive, qui est le néolibéralisme, et être, en fait, qui va s'appuyer donc sur quatre piliers, qui sont l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, la libéralisation de la finance et le libre-échange. Et donc du coup, ça va entraîner donc trois types de phénomènes. Donc on va avoir donc d'abord, enfin le remplacement de la démocratie par le marché. On va voir aussi donc qu'on attendait en fait seulement du communisme, c'est-à-dire l'idée que en fait il n'y avait que, enfin la production de famine. Et on les retrouve aussi avec le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'avec la libéralisation de la finance, on a eu en 2004 une famine qui a été produite et donc du coup qui a fait énormément de morts. Et donc ensuite, donc on a ça, on a ces deux premiers phénomènes, et bien sûr, fuite de toute refondation écologique qui, pour justement combattre en fait et éviter en fait la catastrophe écologique. Donc du coup, à partir de ça, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a différents niveaux de lutte, et qu'en fait, justement, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'intensifier le plus possible le niveau de lutte. Évidemment, enfin nous, dans l'idéal, on aimerait que voilà, qu'il y ait un président anti-néolibéral qui arrive au pouvoir et qui fasse plein de choses. Et donc du coup, en fait, on peut imaginer et on commence à vouloir, par exemple, on va commencer à s'imaginer, oui, ben on prend les armes et on fait un truc, et puis voilà. Mais il y a un déterminisme social, enfin un déterminisme tout court, qui fait qu'on peut pas, enfin, on est limité dans nos actions, et que il faut donc, en fait, faire le niveau de lutte à nos niveaux, en ayant conscience qu'il y a différents niveaux de lutte, et l'intensifier le plus possible. Donc du coup, de cette façon, on peut voir que, en fait, Rafael Correa, qui a en Équateur fait énormément de lutte contre le néolibéralisme, a autant de mérite qu'un professeur qui est en zone de dans une banlieue difficile et qui donne de l'amour à ses élèves, et que ses élèves réussissent à avoir de l'estime pour lui, qui lui a autant de mérite qu'une personne qui n'est engagée dans aucune association, qui va réussir à se battre contre le néolibéralisme, contre la pensée néolibérale, qui va lui empêcher d'avoir du travail, qui va lui empêcher d'être heureux et qui pourtant va se battre contre cela et donc du coup qui va réussir en fait à être heureux, à sortir, à voir ses amis et à leur sourire. Ça déjà c'est une lutte et il faut le prendre en compte. Et donc du coup aussi avoir en tête que la lutte, en fait, même si elle est à différents niveaux, elle peut quand même, à chaque niveau, avoir un impact énorme. Il y a une citation de Simon Bolivar, une personne en fait, qui a libéré les colonies espagnoles du joug espagnol, qui dit quelque chose de magnifique, c'est qu'il y a eu un moment où il a eu un énorme doute, il était en profonde dépression, il pensait arrêter sa lutte, etc. Et il pensait vraiment tout arrêter avant d'avoir accompli les grandes choses qu'il a accomplies. Et donc du coup, il y avait un clochard, un sans-abri dans la rue, et ce sans-abri, il a senti en fait, à travers ce sourire, une force énorme, et ça lui a redonné, en fait, ça a été une étincelle qui a tout recommencé, à tout redéclencher en lui. Et il dit clairement que bien qu'il y ait eu d'autres phénomènes en fait, qui ont permis de faire la libération qu'il a faite, pour les peuples d'Amérique du Sud, si ce phénomène-là, ce sourire en fait de ce sans-abri, s'il n'y avait pas eu le sourire de ce sans-abri, clairement il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Donc en fait, voilà, avant de commencer, donc avant de terminer l'introduction, on peut aussi souligner la phrase magnifique de Ivan Illich, qui justement pour nous dire, en fait, pour nous accompagner dans cette lutte, donc du coup, contre cette lutte qu'il y a eu au XXe siècle contre le colonialisme, contre le nazisme, contre le communisme totalitaire, et qui a cette phrase magnifique qui est, et donc du coup maintenant, et pour justement nous accompagner dans la lutte maintenant que l'on doit faire contre le néolibéralisme, il a une phrase magnifique qui est, il faut faire advenir la civilisation de la convivialité. D'abord, donc voilà, on va parler d'abord donc du coup de ce que j'appelle, enfin, le socle de la lutte, qui est l'action associative. Ensuite, l'action politique. Ensuite, en troisième partie, on pourrait parler de l'action de défense que l'on doit mener. Et enfin, à la fin, en fait, la principale arme idéologique sur laquelle on pourrait s'appuyer pour mener la lutte. Donc, sur la question en fait de l'action associative. Donc, du coup, enfin, moi, je vous invite, voilà, déjà principalement parce que c'est sur l'expérience, donc du coup, à compléter cette intervention. Moi de mon côté, former des associations qu'il y a, parce que on peut ignorer des associations qui existent et auxquelles on voudrait adhérer. Il y a plein d'associations excellentes à Paris. Moi là, personnellement, là où je suis, le Carillon est une association qui est très intéressante parce que elle essaye en fait de mettre en lien les commerçants avec les sans-abri, de réussir à fusionner en fait les commerçants qui ont un désir donc de coopération avec les sans-abri qui sont dans le besoin. Donc par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des logos, des stickers, donc par exemple d'un verre d'eau, pour indiquer qu'en fait un commerçant est d'accord pour donner de l'eau, ou alors ça peut être un appel téléphonique, etc., aux sans-abri qui sont dans le besoin. Ensuite, donc du coup, on peut passer. Donc voilà, donc il y a l'action politique aussi. Donc en fait, on voit trois phénomènes politiques pour se défendre principalement dans notre société. Il y a le trio donc parti, mouvement et et donc du coup, quand on demande aux gens, chacun aura un avis de oui, non, mais le parti c'est mort, donc du coup l'agora, donc du coup Nuit Debout, oui, mais Nuit Debout ça s'essouffle, donc du coup le mouvement politique. Mais il faut avoir en tête que les trois sont extrêmement importants et en fait qui sont même, on pourrait même dire interdépendants. Et c'est pour ça que en fait la question du parti et du mouvement et de l'agora viennent ensemble, car chacun en fait va avoir ses avantages et ses défauts et qu'ils viennent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun à sa manière en fait va accompagner la société. Et donc ensuite il y a donc du coup l'action. Donc du coup bon là je m'adresse à ceux qui sont les plus poussés en fait dans des institutions politiques, donc du coup les plus radicales et qui peuvent le plus mettre en cause le système. C'est il y a une précaution à prendre en fait, c'est l'idée de la surveillance en fait, parce que voilà, l'autre fois j'étais à une conférence donc du coup avec un chercheur en numérique, un professeur chercheur en numérique, et il avait passé des concours pour être à la NSA, et donc bon, finalement il n'est pas entré à la NSA, mais il disait que donc au début des années 2000 que les gens qui passaient ce concours faisaient des blagues sur le fait qu'il y avait une surveillance, c'était évident. Et donc du coup c'est quelque chose qui va très très loin. Par exemple, moi ce que je suis en train de dire avec mon téléphone en fait, mon téléphone enregistre des informations et entre dans une base de données. C'est pour ça que les gens qui travaillent dans la défense des WikiLeaks, de Julian Assange, etc., sont en fait genre type Nokia 2003, des vieux téléphones pour justement empêcher que les informations aillent dans des tout ce qu'ils disent en fait aille dans des bases de données qui peuvent ensuite. Donc, du coup, il y a deux risques. C'est-à-dire que s'il y a une post-démocratie autoritaire qui arrive au pouvoir, ces informations peuvent être volées. Il y a une post-démocratie autoritaire qui arrive au pouvoir, ces informations peuvent être volées. Et il y a aussi le deuxième risque qui est celui que, les sociétés privées peuvent acheter ces informations et se les approprier. Et il faut aussi qu'on s'organise. Donc du coup, pour la lutte, c'est surtout au niveau de l'action de défense, c'est l'action de défense idéologique qu'on doit mener contre le néolibéralisme. Donc du coup, quel livre lire, quelle vidéo regarder. Donc il y a Osons Causer et Usul qui font un super travail sur Internet. Il y a aussi les Christophe Rameau et Dominique Rousseau qui vont justement critiquer donc du coup cette hégémonie du capital ou du marché, qui sont aussi très intéressants à prendre en compte. Et enfin, donc il y a la question aussi du vocabulaire, et question qui est essentielle. Et par exemple, pendant beaucoup de temps, là, pendant toute cette année, il y a eu l'idée d'utiliser le mot populisme. Et en fait, nous, quand on l'utilisait, c'était juste se tirer en fait une balle dans le pied, parce que en fait, c'est un mot qui a été créé donc du coup par la structure néolibérale. Faire passer en fait les volontés du peuple comme quelque chose de sale, et bien sûr pour mettre l'extrême gauche et l'extrême droite dans le même sac. Et ce qu'on peut faire en fait, c'est du coup on a deux choix, c'est ou attendre, ou alors attendre justement qu'il y ait des gens comme Edgar Morin qui proposent des redéfinitions de nouveaux termes. Et Edgar Morin, pour ça, il propose le terme de post-démocratie autoritaire à la place de populisme. Ce qui est très intéressant parce que, en fait, justement, ça renvoie à l'idée que, à l'idée, ça ressent en fait sur l'idée d'autoritarisme qui peut y avoir venant de certains hommes politiques. Donc voilà, donc ce sera tout, merci. Bon, donc du coup, c'était rapide. On va. Non, mais reste là, hein. Comment ? D'accord. Du coup, on passe à la partie débat. Donc, si vous avez des remarques à faire, des questions à poser sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas, faites un signe et je vous passe la parole. Donc, c'est toujours le plus difficile, le premier ou la première à prendre la parole. Mais vraiment, n'hésitez pas. Sinon, je vais commencer. Parce que le titre de ton intervention, c'était Agir de 2017 à 2022. Et donc, je voulais te demander quels sont pour toi les modes d'action qui seraient privilégiés et qui auraient une pertinence, du coup, par rapport au monde à venir. La principale, en fait, c'est l'idée de l'action associative. Parce que, donc, du coup, en fait, quand on demande à beaucoup de gens, en fait, qui sont, en fait, même dans l'action politique, et qu'on leur demande, oui, mais pourquoi tu fais ça? Et donc, du coup, ils disent, transformer le monde. Mais le problème, c'est que, voilà, enfin, on peut passer 40 ans, 50 ans, et donc, du coup, le parti n'arrive pas au pouvoir. Et donc, du coup, voilà, il y a une question qui se pose, c'est, enfin, quel a été l'impact réel? Et donc, du coup, c'est pour ça que, bien que l'action politique est essentielle et qu'il faut la garder et qu'il faut continuer dans ce sens-là, il faut aussi, en même temps, l'accompagner de l'action associative, qui est, en fait, l'action et l'aide directe, en fait, aux personnes. Directement en quartier, etc., par exemple, et qui est de l'action réelle directe. Donc, du coup, ce serait plutôt visé d'abord à mode local. Voilà, exactement. Le but, en fait, c'est de viser tous les modes possibles parce que, de toute façon, enfin, ils sont interdépendants. Donc, viser les modes local et politique. Enfin, il y a bien sûr le mode national qui est touché, mais aussi international. Du coup, voilà, tout en même temps. Ok. Est-ce que d'autres personnes souhaitent. Réagir ou même faire des propositions justement sur ce que serait l'action des 5 années à venir et plus loin si on va aussi loin que le fil, je pense qu'on ira très loin. Tant qu'on est jeune. Je voudrais que tu développes un peu des trois trucs dont tu parlais, le mouvement, le parti et je sais plus quoi. Tu peux mieux les liens entre eux. Ouais, absolument. Je vais m'appuyer en fait sur ce qu'a dit Usul, le vidéaste Usul sur internet. Il avait dit que il critiquait le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à trop nier les partis et à mettre en avant les mouvements. Alors qu'en fait, les partis ont eu un rôle fondamental pour la société. Au niveau, par exemple, si on regarde le Parti communiste, il a eu un travail en fait de formation politique en fait des gens qui venaient et qui adhéraient au parti. Donc ils ont eu un travail de politisation et de culture qui a été important. Et donc du coup, bon, il y a déjà ça, et en plus, enfin, il y a aussi l'idée de, enfin, que le parti peut offrir une dignité. C'est-à-dire que on a, bah, par exemple, on peut avoir un facteur qui arrive et qui entre dans un parti et qui ensuite, enfin, va avoir des responsabilités, et ce facteur, en fait, va être mis au même niveau que le politique du même parti. Intéressant moins les partis politiques, et que, enfin, l'objectif et la grande question avec les mouvements qui naissent et surtout, enfin, voilà, avec la France insoumise, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire le même travail, donc du coup, de formation envers les militants. Et en même temps, le même travail, justement, de donner, en fait, justement, ces dignités qui arrivent et qui vont être mis au même niveau que le facteur, va être mis au même niveau que le politique, que le chômeur, que le facteur, etc. Merci. Donc, n'hésitez pas à réagir. Voilà, une, deux, ok. Oui, des partis politiques, France Insoumise a effectué un mouvement. Après, ils étaient précurseurs, c'est-à-dire que Mélenchon a été précurseur dans l'organisation en France Insoumise, c'est-à-dire hors parti. Il a été suivi de Nuit Debout et de Macron, parce que Macron, c'est le même phénomène. Et donc, donc il faut bien essayer de comprendre pourquoi remplace les formations qui cherchaient à gouverner jusqu'à leur apparition. Ça, c'est une bonne question qui sera traitée, je l'espère, aussi tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas qu'on doit la commencer tout de suite, puisque vous l'avez commencé maintenant, là. Oui, enfin, en plus, ce qu'on peut aussi analyser, c'est le fait que, en fait, les partis politiques, c'est ce qui expliquait en fait un professeur en droit constitutionnel qui s'appelle Dominique Rousseau, c'est que, en fait, les partis sont en train de se liquéfier, ils sont en train de se détruire pour donner naissance, en fait, à deux mouvements. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir un peu une sorte de cycle qui est en train de se former. C'est que de la même façon, pose, et donc, du coup, on a une multitude de mouvements. Et ce qu'on peut pressentir, et c'est déjà en train de se mettre en place, c'est que ces mouvements vont devenir de plus en plus disparates, de plus en plus séparés, il va y en avoir de plus en plus. Et après, enfin, je pense que de la même façon qu'il y a une crise des partis, il va y avoir une crise des mouvements, et que donc du coup, on recommencera en fait, ils vont se réunir, et puis il y aura, du coup, on va avoir la réapparition des partis forts, puis après de nouveaux mouvements, etc. Et enfin, ça prend une allure cyclique. Donc voilà. C'est pour réagir sur ça, parce qu'après il y avait NG. Oui, on ne peut pas encore parler de cycle, puisque si c'est une étape, le mouvement tel qu'il se dessine, là, du genre Nuit debout Macron et Mélenchon, ils en sont pas, on n'en est pas encore au cycle. On en est juste à la première étape. Pour parler, il y a au moins deux étapes. Pour faire un cycle, il faut un échange entre deux situations. De la même façon, en fait, sous la 4ème République, ce qui a antécédé en fait les partis, avant les partis, ce qui ressemblait fortement au mouvement. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui ressemble au mouvement, ensuite on a eu l'apparition des partis, et ensuite là on a quelque chose donc, qui sont les mouvements qui sont en train de mettre en place. Mais quand je dis qu'on va re-avoir les partis politiques forts, etc., c'est vraiment sur le long terme, pour dans 30, 40, 50 ans. Parce que voilà, il y a déjà eu deux mouvements, et là on pourrait pressentir, en fait, parce qu'il y a déjà un tel éclatement en fait, au niveau des mouvements, qu'il y aura la nouvelle apparition de partis forts. Mais c'est la spéculation pure, parce que là on parle sur le très long terme, sur du 30, 40 ans. Voilà. Sur la convivialité, parce que je suis pas convaincue par la convivialité. Enfin, pour moi, ça peut vite tourner à on mange des gâteaux entre nous, tu vois. J'ai une amie qui dit que c'est ça qui se passe d'ailleurs dans son village où il y a un groupe de migrants. Tout le monde vient et leur offre des gâteaux et elle dit ils vont qu'en cesse par cœur, mais. Ouais. Bah, je te remercie pour cette question parce que la question de la convivialité en fait elle est essentielle et je l'ai pas beaucoup développée et en fait non la thèse c'est quelque chose de beaucoup plus large que donner des gâteaux etc. La convivialité elle commence quand dans le métro quand il y a une personne qui donne pas la porte et qui claque la porte déjà ne pas avoir une sorte de haine pour cette personne la convivialité elle commence là. En fait Ivan Illich qui est un donc philosophe chrétien des années communiste mais dans le sens conservateur en fait c'est-à-dire on appelle ça c'est un nom mais voilà enfin lui en fait ce qu'il évoque c'est la convivialité dans le sens de en fait parce que il en parlait en fait dans l'abondance en fait de la technique en fait la technique donner en fait des contre-productivités par exemple le fait que le métro a été inventé pour que justement on se déplace d'un point A à un point B le plus rapidement possible et en fait finalement comme il y a tellement de transports en commun finalement on passe de plus en plus de. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est à Debout Éducation Populaire, on a fait un atelier peinture. S'il y en a qui veulent encore peindre, il reste de la peinture disponible, des pinceaux et on peut mettre une autre feuille par terre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez faire de la peinture, ça nous permet d'avoir un stand un peu plus joli, décoré avec ce que vous voulez mettre dedans. Là on va passer aux interventions, on a deux interventions à venir. Une à 16h, c'est Martin qui va venir proposer de 2017 à 2022. Donc Martin est là, donc du coup je vais te passer la parole. Antoine, t'as mis la clé ou pas? T'as mis la clé ou pas? Oui. Ok, donc dès que Martin est prêt, on va le laisser son intervention. Donc pour vous rappeler un petit peu le principe, il y a entre 20 et 30 minutes d'intervention, puis après il y a un débat. Donc n'hésitez pas à venir écouter et ensuite participer. L'idée est justement de pouvoir critiquer ce qui est dit, de poser des questions, de s'interroger avec notre intervenant. Et puis, si vous souhaitez intervention, on ne refuse aucune intervention. Donc, venez nous proposer un thème. On vous donnera les créneaux qu'on a disponibles. Et comme ça, vous pourrez prendre la parole à votre tour. Donc, Martin, c'est à toi. Ok, merci Adèle. Donc, en fait, on peut commencer en fait en analysant le fait. Enfin, si on prend un peu une analyse historique, c'est que en fait, on a eu affaire en fait à trois phénomènes idéologiques monstrueux durant le XXe siècle. Donc, on a eu d'abord en fait donc le colonialisme, l'idée que l'autre, parce qu'il venait d'une autre ethnie, en fait, pouvait être soumis à nos désirs.